Je prends le métro Nouméa pour me rendre au métronome, retrouver tous ces bonhommes qui me remplissent de joie. Et autour de la scène, je retrouve ces musiciens dont les doigts aériens jouent les airs qui nous entraînent. Allez, chope ton verre, élève-le bien haut. Allez, bois ta bière, ton rosé ou ton porto. Allez, chope ton verre, il est encore bientôt. Allez, bois ta bière, c'est l'heure de l'apéro. Tout le monde a le sourire, la mine enjouée, les polissonnent et les vers sonnent au rythme rapide des rires. Le tintement des bouteilles qui nous réchauffe le cœur n'est pas fait de l'heure mais de mille merveilles. Allez, chope ton verre, élève-le bien haut. Allez, bois ta bière, ton rosé ou ton porto. Allez, chope ton verre, il est encore bientôt. Allez, bois ta bière, c'est l'heure de l'apéro. T'es au bord de l'écueil, mais que la musique est ta vie. Joins-toi à cette famille qui a bras ouverts t'accueille. Alors jusqu'au matin, on va chanter à sans briser la voix pour te libérer de ta croix, toujours la bière à la main. Allez, chope ton verre, élève-le bien haut. Allez, bois ta bière, ton rosé ou ton porto. Allez, chope ton verre, il est encore bientôt. Allez, bois ta bière, c'est l'heure de l'apéro. Allez, chope ton verre, élève-le bien haut. Allez, bois ta bière, ton rosé ou ton porto. Allez, chope ton verre, il est encore bientôt. Allez, bois ta bière, c'est l'heure de l'apéro.